essentiel. Génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes, voilà, nous sommes déjà et bien vendredi, le jour de la fin de la semaine, et donc la musique et l'émission aussi est de retour. Voilà donc, et bien j'espère que pour vous tout se passe bien et puis que vous aimez tout simplement bien les chansons toutes variées, tout simplement différentes. Voilà donc, on a pu débuter avec un morceau tout simplement country accordéon, et bien on va rester avec bien sûr le country, deux morceaux de country, et puis juste après le pop rock. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Riding horses and writing songs. Oh, I'm still that child, that's still where I belong. 'Cause I'm a country girl, I love the trees and the flowers, those well-spent hours staring up at the stars. Oh, I'm a country girl, though I live in the city, and those lights sure are pretty, but I'd happily rather my guitar. I would rather be happily sitting on the porch picking on my guitar. You're sorry, but you still care. She came by my place again, crying about you, man. You should love her twice as much. I tried to remember you're a friend, but it's getting a little rough. She's just tired being Cinderella.

comment va le monde, il est où je sens. Et à mon avis, il est pour longtemps. Comment va la vie, il y a des endroits. Elle vaut 10 dollars, combien je te dois. Comment va l'amour, il joue les absents. Demande au vautour de gagner du temps. Comment va le monde, il est où je sens. Et à mon avis, il est pour longtemps. Après bien des années d'errance et de silence embarrassé, les hommes n'ont toujours pas de nationalité. Comment parler de non-violence à un amour qu'on a violé. La dignité n'est pas votre spécialité. Comment va la guerre, elle va comme elle va. Elle est planétaire, on se reverra. Comment va la banque surnage. Pour les grands requins, y a pas de naufrage. Comment va la mort, record absolu. Toujours très discrète, je n'en sais pas plus. Comment va la guerre, elle va comme elle va. Et les planétaires, on se reverra. Après bien des années d'errance et de silence embarrassé, les hommes n'ont toujours pas de nationalité. Comment parler de non-violence à un amour qu'on a violé. La dignité n'est pas votre spécialité. Sur ces cinq colonnes dans les faits divers. Comment va l'amour quand il vous a vu. A fait demi-tour, on n'en parle plus. Je ne veux plus gueuler, comment va le monde. Et qu'on me réponde, il va comme il va. Après bien des années d'errance, de population déplacée, la solitude n'a pas de nationalité. Il faudrait casser ce silence, vous l'avez mal interprété. La dignité n'est pas votre spécialité. Comment va le monde, il est où je sens. Et à mon avis, il est pour longtemps. Comment va l'amour, joue les absents, demande au vautour de gagner du temps. Comment va la vie, elle n'est pas très fière, sur ses cinq colonnes dans les faits divers. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur. Voici donc Nicole Croisil et puis juste après Mireille Mathieu. J'ai besoin de toi.

bien ou du mal. Ce que l'on pense m'est égal. Rien d'autre n'est important que de vivre le présent. Je l'aime. J'ai des courages insoupçonnés à embraver le monde entier. Je ne peux pas me tromper, pensez ce que vous voudrez. Je l'aime. Et puis donc, voici le zouk. Oh, C'est vous qui a fait moins tchaber, c'est vous moins pissumé, c'est vous qui a mané joie et bonheur, envie en moi. Oh, oh, oh. Et je ne suis pas capable d'imaginer la vie sans vous, et c'est vrai, il se plie bel cadeau, la vie j'ai fait moins, c'est vous moins pissumé. C'est vous qui amenez joie et bonheur, envie en moi. Et qui j'emmène ici au tombé. Venez prendre de zèle. Oh, embrasse-moi au doudou. Venez prendre de zèle. Oasis, envie en moi. jamais en moi qui te presse mort. J'en ai envie férie. C'est moi v'lais penser, parce que c'est vous qui êtes tout pour moi. J'en dis qu'on y a et qu'on demain. Arc-en-ciel. Voilà donc, bien je vous laisse avec des chansons portugaises.

avant de d'écouter tout simplement les chansons françaises et puis juste après le pop, eh bien voici les titres des émissions pour aujourd'hui ainsi que pour demain samedi. Voilà donc, en soirée, à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver l'émission de découverte avec Manuel. Et puis, juste après, pour le samedi, samedi matin, à partir de 9h jusqu'à midi, avec Christine Portugal, nous corésien. Et puis, dans l'après-midi, avec Will André, entre 15h jusqu'à 18h. Et puis, juste après, entre 18h et 20h, avec Carla. Et donc voilà, comme promis, voici donc les chansons françaises. le sépare. En s'embrassant dans un regard, et loin de toi pendant des heures, je vis à l'ombre du bonheur. J'ai tant besoin de ta présence. Ces heures bleues de confidence, que dès que tu es de retour, je ferme la porte à double tour. Embrasse-moi les yeux, du cœur, du bout des doigts. Embrasse-moi. passe devient auprès de toi transparent à la vie. Par toi je grandis amoureuse, par toi je m'élève amoureuse. Mon bonheur sera un nouveau monde et je découvre notre amour immense, infini, éternel, plus grand que toi et moi, et qui m'emmène à ciel. Voici donc le pape et puis juste après le foot de Pan. En avant, les années défilent, mais je reste fidèle.

jamais senti. Quand on l'oublie, le chagrin et l'absence. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. La suite pour les émissions du dimanche matin à partir tout simplement et bien de 8h jusqu'à 10h avec Antonio, avec l'émission Cantal Dougalo. Et puis juste après, bien c'est à vous de faire l'émission, de choisir les chansons que vous voulez entendre avec le téléphone sonne entre 10h et 12h30 avec Jérôme et Lionel. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec du rock'n'roll et puis juste après du rock.

Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Julien Clerc et puis Françoise Hardy. Mon amour, je sais c'est un peu court, mais je n'ai plus que ces trois mots qui coulent de moi comme un flot. Mon amour, je sais c'est peu de choses, mais cette phrase me grise de son eau de rose. C'est comme ça, je t'aime, etc. Je t'aime, etc. Je sais, c'est un peu lourd, mais j'ai si peur que d'illuminer mon espace, tu te lasses. Mon amour, tu sais, ça chante en moi comme un oiseau qui me tonitrue, il fait beau près de toi. Je t'aime, etc. Je t'aime, etc. Des beaux jours, mon Dieu, qu'il passe vite. Et c'est déjà le quai de gare où l'on se quitte. Ton départ, mon amour, je ne pourrais plus le dire, mais s'il te plaît, me permets-tu de te l'écrire? Et qu'un jour, on s'aime, etc. Je t'aime, etc. Mon amour, je sais que tu dois fuir, mais mon amour, prenons soin de nos souvenirs, n'oublie pas. Qui le sait, peut-être qu'un jour Combien de temps ça durera, car on sait seulement que l'on se plaît, que l'on se plaît. Oui, on se plaît, on se plaît, on se plaît, on se plaît. Et puis donc, je vous laisse avec le reggae, puis juste après, Hélène. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur. tout en couleurs. Quoi que je fasse, tu es dans mes pensées. Quand tu souris, tu inondes ma vie d'un rayon de soleil. Dès que je me réveille, et quand la nuit enfin nous réunit, je m'envole avec toi, blottie entre tes bras. Le temps qui passe ne pourra rien changer, car rien n'efface ce que tu m'as donné. Tout ce bonheur, cette joie dans mon cœur, cette envie d'exister, simplement pour t'aimer. Tous nos secrets, notre complicité, comme un rêve enchanté, ma vie à tes côtés. Et si jamais un jour tu oublies notre amour, si je sors pour toujours de tes pensées, mon cœur serait trop lourd. Et si tu restes sourd à mes prières, je sais que j'en mourrai. Dès que je me réveille, et quand la nuit enfin nous réunit, je m'envole avec toi, blottie entre tes bras. Le temps qui passe ne pourra rien changer, car rien n'efface ce que tu m'as donné. Tout ce bonheur, cette joie dans mon cœur, cette envie d'exister, simplement pour t'aimer. Tous nos secrets, notre complicité, comme un rêve enchanté, ma vie à tes côtés. Tous nos secrets, notre complicité, comme un rêve enchanté, ma vie à tes côtés. Je sais trouver

chercher, mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Que l'on voudrait dire, on écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Voici du zouk. On aime avec Radio Arc-en-Ciel. Va jambler, va jambler. s'échelle aux pieds. Pour le drapeau, pour la patrie, ils sont partis en oublier. Ceux qui sont morts, qui sont restés. Oh. Une seule nation, un seul pays. L'union fait la force en vérité. Quand va-t-on le réaliser? Bonne fête, mes amis. Bonne campée, mes amis. Bonne marche, mes amis. Bonne parler, mes amis. Bonne songer, mes amis. Bonne partager, mes amis. Espérer, mes amis. N'arriver, mes amis. Au clair, au foncé, se réunir. Mettant la main pour avancer. Demain, tout doit avoir changé. Avant la mort, il y a la vie. Et si vous êtes enfant de Dieu, pourquoi tant de guerre sous les cieux? Yeah, yeah. Mon cœur est soleil, mes yeux sont pluie. Devant la misère, je dois crier. Devant la mort, je veux pleurer. On vient de loin, je vous l'ai dit. On ne sait pas vraiment où aller. Mais vous ferez bien ce que vous. Manda a mão pra sentir o teu carinho, ombro no ombro pra manter o respeitinho. queres entregar. Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo. Até prometo que contigo irei casar. Hoje é com coxa para andar encostadinho. Faço com faço para te dar o meu beijinho. Mão na mão para sentir o teu carinho. Ombro no ombro para manter o respeitinho. Hoje é com coxa para andar encostadinho. Faço com faço para te dar o meu beijinho. Cette chanson qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver donc eh bien dès mardi prochain. Et puis dans en gros une demi-heure, eh bien vous allez retrouver Emmanuel pour l'émission Découverte entre 17h jusqu'à 19h. Et puis demain, à partir de 9h, eh bien, vous allez retrouver Christine pour l'émission, tout simplement. Voilà donc, eh bien, pour ma part, eh bien, je vous dis bon temps à tous et à vous toutes.

My time. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. It is the special one, it's never seen the sun. It only comes up when the moon is on the run and all the stars are green. It's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and green. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. With eyes as black as coal that looks down in my soul, it starts a fire there and then I lose control. I'll have to beg your pardon. She grows in my garden. Are you real, Mona Lisa? just a cold and lonely, lovely word of art. Just a cold and lonely, lovely word of art. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My kids feel that great. Ain't that a shame? You're the one. My Goodbye, ain't finishing my journey.